naissance aux quatre vents de mes amours. J'ai marché sur la terre de France de long en large et tout autour. J'ai dormi sur le sable fin, le nez au ciel et les pieds nus. J'ai pris l'amour comme un avorien à pleine bouche défendue. Va mon bonhomme, l'amour te pousse, en est heureux.